La nuit tombe, le silence s'étire, les ombres rampent, le danger inspire. Les yeux s'ouvrent, la chasse commence, Rust s'éveille en pleine transe. Je glisse dans l'ombre, pioche à la main, la proie s'approche mais je suis le chagrin. Les pièges sont posés, les balles prêtes, chaque pas compte dans cette quête secrète. Les vues chuchotent pas mon espoir, chaque mouvement peut être le départ. Le souffle court, les sens aiguisés, dans ce jeu cruel rien n'est donné. Nuit de chasse, la proie est en vue. Rust est un piège, la victoire attendue. Soit Riders qu'il traque, l'attention est là. La base ennemie ne sait pas ce qui va. L'ombre s'étend, le silence se brise. La guerre est là, c'est notre devise. La nuit s'embrase, le combat est rude, personne se lasse. Un cri, un éclat, une course folle, la victoire approche, on décolle. Les viewers encouragent, la pression monte, chaque moment compte, chaque victoire compte. Le chaos règne, la chasse continue, dans ce monde brutal, on se bat et on lutte. Nuit de chasse, la proie est en vue. Rust est un piège, la victoire attendue. The Riders qu'il traque, l'attention est là. La base ennemie ne sait pas ce qui va. L'ombre s'étend, le silence se brise. Quand la guerre est là, c'est notre. Les explosions fusent, les ennemis tombent, leurs plans s'amusent. Je suis le prédateur, le maître du jeu. Riders qu'il avance, toujours victorieux. Les loots s'amassent, la gloire s'écrit. Chaque bataille est un cri de la nuit. Les viewers vibrent à fête. Et la race, c'est notre monde, c'est ici qu'on bat. L'attention monte, les tambours résonnent. Le moment approche, la chasse résonne. Est en vue. Yeah. Rust est un piège, la victoire attendue. The Riders qu'il traque, l'attention est là. La base ennemie ne sait pas ce qui va. L'ombre s'étend, le silence se brise. Pour la guerre, hélas, c'est notre.